Là c'est le G, RK Kobalade, mode avion j'parle après. Numéro 1 d'entrée, saute pas au ta papier. Direction tournée, elle partait cellophanée. Fini condamné, bouquet j'te monte en l'air. Et dans tes alternes, on est ganté. On fait du rap et des affaires à côté. J'ai raté le train, j'reviens sur un refrain. J'ai fermé le terrain juste avant les condés. Salut mon vieux, tu me reconnais. J'vis terre, j'vais en été, passe mes soirées à raconter. Et la putain de ta mère, on l'a fait en indé. J'fais 20 kilos d'herbe, sa mère on le récupère. On est ensemble les riches, t'as du bif, j'reprends un showcase. On est vrai de vrai, parce qu'on s'en cache une deuxième. Tellement insolent, sourire aux lèvres, pour les quilles à passer. Chargé sur, on est rechargé sur. Fallait le dire, stopper, fallait le dire. Chargé sur, on est rechargé sur. J'm'en bats les couilles, j'fous le best tout. Ça tout est pas de fallait le dire. La moula, de la moula, de la moula, de la moula. Faut plus que faire, tu tombes en moula. Faut que tu sois malade, c'est qu'à l'occasion mérite. Avant de poissonner, passer les lames, y'a rien de plus lumière. Le dit 4 anneaux. Maintenant c'est mal, pas trop, c'est moi l'aîné. Je roule le niveau et j'accueille les lèvres. Je compte dans le RS, toi tout noir, toi ouvre. Toi je m'arrête au feu rouge, ramène une clope, joue la fenêtre. Je me rabatte au volant, j'ai bossé, j'ai rien volé. Et numéro 1, c'est ce que Dieu a voulu. 10 millions de vues sur ma chaîne, et je suis toujours dans le bat. La plupart de mes ennemis savent très bien où j'habite. Et pour pas changer, faut des dents 54 et Garka, mon frérot GLK, on vous en dit qui parle. Chargé sur, on est rechargé sur. Fallait le dire, stopper, fallait le dire. Chargé sur, on est rechargé sur. J'm'en bats les couilles, j'fous baisse tout. Ça, tout tes potes, fallait le dire. J'suis personne, moi, je rentabilise chaque mois. Le flingue dans l'armoire, vélo calé pour le parloir. Même si t'es armé, Wacken, fais de la dette. T'inquiète pas, y'a les outils dans la part. Y'a environ 10 millions de tirs. Et les salopes tirent, on est dans la tue. Entends-tu, et nous quand ça tire. C'est pas que sur YouTube, dis-moi tu, moi tu vu. Zine plus de garde à vue. J'suis avec patron Dieu, François, t'as mon âge, t'es à l'affût. Moula, moula, moula, moula, bah. Désir toi t'es, tu ne me verras pas. Plus de mi-père, j'm'arrête pas. Ce que tu suces, c'est ce combat. J'veux ma part, pile à l'heure, il t'a barbé. Oh là là, rafale et bastard.